Bah, c'est pas vraiment de la musique, parce qu'en fait, on a commencé à faire de la musique. Après, ça s'est appelé, t'as dit que c'était de la musique, mais c'était vraiment plus un prétexte pour entrer en conflit, en effraction, pour s'affirmer comme l'ennemi. Talking, talking, you know. Oui, parce qu'on est devenu l'ennemi. Donc ensuite, on était quand même vraiment l'ennemi culturel quand même aussi, puisqu'on essayait de plus ou moins inconsciemment ressusciter les fantômes. C'était No Future, For You. Alors ça, c'était aussi le retour à la jeunesse, parce que je crois que le premier livre de philosophie de ma vie, ça a dû être L'Unique et sa propriété de Max Stirner. Et donc comme ça, c'était lacérer le mur des mensonges, passer de l'autre côté du réel. Nous sommes les fleurs dans la poubelle, le poison dans la machine, l'aventure derrière l'écran, disaient les Pistoles. Et d'un seul coup, ça... Puis à la fois, il y avait une espèce de combinatoire. C'est-à-dire que à la fois, ce côté d'entrer finalement en guerre quotidienne avec les instances sociales, la durée sociale, quoi. Mais à la fois, quand on voit les pochettes, c'est vrai qu'il y avait une profonde nostalgie. Et là, cette nostalgie, puis ça s'est pas opéré de Dada et tout ça. Donc de la tabula rasa. Et on pouvait imaginer qu'il allait y avoir un mouvement comme ça d'écrivains, de cinéastes, d'artistes, de musiciens pour encadrer, si on peut dire, ou réverbérer cette situation pré-insurrectionnelle. Le jour se lève, se couche ou s'apesantit sur la terre. On ne sait pas l'heure. C'est Mexico City, 31 décembre 17. Fabian Lloyd écrit à Mina que la vie est horrible. Télégraphie. J'ai terriblement peur que ça va être la fin. Télégraphie. J'ai terriblement peur que ça va être la fin. touch it, don't touch it. Come me say drugs is a thing, me say don't touch it. Don't touch it, don't touch it, don't touch it. Me cry, no touch it, no touch it, no touch it, coke. No touch it, no touch it, no touch it, crack. L'Europe est loin, mais pas sa guerre qui a chassé Cravant jusque d'Amérique. Mexico n'est rien pour lui, juste un entre-monde. Mina Lloyd ne viendra plus. Télégraphie. J'ai terriblement peur que ça va être la fin. J'ai terriblement peur que ça va être la fin. Fabian Lloyd signe Arthur. C'est Cravant. On n'aura bientôt plus de nouvelles. On invoquera la disparition en vol au-dessus des Caraïbes. Mourir de l'âme, c'est 10 000 fois pire que le cancer. Mourir de l'âme, c'est 10 000 fois pire que le cancer. Cravan pourrait s'en sortir, changer de peau, brouiller les pistes, disparaître en mer. Mais pas Fabienne Lloyd, qui est épuisée, qui voudrait revivre la nuit, le jour, la même chose, comme une durée infinie. Le jour se lève, se couche ou s'apesantit sur la terre. On ne sait pas l'heure. C'est Mexico City, 31 décembre 17. Fabienne Lloyd écrit à Mina que la vie est horrible. Je suis bien perdue, si tu savais comme je me sens pure. Fabienne Lloyd va passer la frontière, se faire descendre, juste pour ne pas mourir de l'âme. Quitter enfin Mexico. Adieu, adieu, adieu, tout, tout, la vie est atroce. Le jour se lève, se couche ou s'apesantit sur la terre. On ne sait pas l'heure, c'est Mexico City. 31 décembre 17. Fabienne Lloyd écrit à Mina que la vie est horrible. Thank you. Thank you. Chinois, je suis né en 76, alors bon. Je suis plus vieux, je Fred Poulet. Buvais les paroles de Hossang parce que, mais sauf, j'étais plus timoré que lui, j'étais pas dans la éprouvé dans la durée sociale. J'étais un peu caché. Mais c'est, je pense que ça a été aussi déterminant. En tout cas, ça m'a autorisé à faire ce que je fais encore aujourd'hui. Et fixé. Oh, Maybe there are three or four ways of doing this. Maybe there are three or four ways of saying this. Maybe it doesn't matter if you get it wrong. But I know that I've just got to do it. But I know that I've just got to do it. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor. She was a visitor.

Je suis né en 76, comme toi. Donc, mais j'avais un petit chien, j'ai toujours un petit chien qui s'appelle Bobby, qui est totalement punk. C'est un petit chien jaune avec un pantalon à carreaux, des oreilles. Ben oui, mais si j'avais su. Donc voilà, Bobby, le punk, c'était ça. Mais en fait, j'en ai beaucoup entendu parler par une amie qui s'appelle Sappho, que vous connaissez peut-être, qui un peu fait la punkette. Ah oui, enfin, je ne connais pas personnellement. Voilà. Enfin, elle parle souvent du punk et elle s'y réfère. Voilà. Mais bon. Ouais. We'll be right back. she's on fire. Better throw her in the water. Look at her laughing like a heifer to the slaughter. Baby's on fire. Necessary for her learning. If you'll be my flotsam, I could be half the man I used to. They said you were hot stuff, and that's what babies been reduced to. We'll be right back. C'est-à-dire que oui, la chanson là, dont vous avez eu le texte, c'était une évocation de Arthur Cravant, un peu les dernières heures de Arthur Cravant, qui était déserteur de trois pays, et qui était le neveu d'Oscar Wilde, et qui a été vraiment fondateur du modernisme, si l'on en croit, parce qu'il a, disons, complètement traumatisé Breton. C'est resté, et donc il a disparu dans le golfe du Mexique après être passé par le Canada, les États-Unis. À mesure que la guerre avançait, il passait les frontières. Alors on imagine Cravant qui faisait pratiquement 2 mètres de haut après avoir quitté l'Espagne suite à un match un peu truqué avec Johnson, Jack Johnson, dont l'affiche est dans Docteur Chance, et qui part peut-être avec la caisse du match qui a duré 5-10 minutes et qui ensuite passe en faisant 2 mètres de haut pratiquement. Déguisé en femme, la frontière du Canada aux États-Unis. Enfin voilà, on trouve les œuvres qui étaient publiées chez Champ Libre. En fait, c'est très court. En fait, ça fait 200 pages, mais c'est incroyable. As is, you are bearing a common truth, commonly known as desire. No need to dress it up as beauty. No need to distort what's not standard to be understandable. Pick your nose, eyes, ears, tongue, sex, and brain to show the populace. Take your chances on your accuracy. Listen to yourself, talk to yourself, and others will also, gladly relieved of the burden, their own thought and grief. What began as desire will end wiser. Thank you. Toulouse, donc elle a fait la revue C, qui à la fin a été reprise par Bourgois, et puis la revue s'est arrêtée, donc MKB a démarré, le deuxième groupe, MKB Fraction Provisoire, et puis ne sachant plus quoi faire, 23 ans, je suis passé le concours de l'IDEC, et comme de toute façon j'étais très hanté par le cinéma, comme Eisenstein, c'est de même, le rock and roll était aussi la mise en action de prophéties burrowsiennes, quoi. D'ailleurs on l'appelait Daddy Punk, William Burroughs. Et donc j'ai passé le concours et puis c'était une école. Bon, évidemment c'était difficile de se conformer un petit peu à nouveau parce que alors donc j'ai résolu la question en ayant un peu une double vie puisque le jour il y avait l'école, mais c'était quand même une école relativement libre puisqu'il y avait comme ça des moniteurs et non pas des professeurs. Donc c'est comme ça que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Tati, Garel, des opérateurs qui venaient et on faisait des films. On faisait pratiquement un film par an. Donc c'était donc la dernière ligne. En fait, c'est mon film presque d'entrée 3 mois après. The Nequinata, mon film de première année. Et la nuit, il y avait MKB qui continuait avec les Lucrat Milk, dont j'ai entendu tout à l'heure un extrait. Et donc on a sorti en 84 un disque, puisque Lucrat Milk et MKB jouent dans le premier long métrage, après des cours, en 84, et qui a été à Cannes en 85, qui a fini par sortir, mais qui est un film vraiment tourné en 3 semaines, en 16 mm, pour... à la fin du tournage, on filait au supermarché, faire la région, on faisait un peu tout, quoi. C'était fatigant, on était jeunes. Do you? te lance. De profil, la moupade te rappelle la cabane. Amnésique du dimanche, psychotrime te débranche. Et du beurre dans ton saumon, faisant jaillir le napalm. Lentement, tu oublies dans les tuves qui s'embrûlent. Qui s'enrument près du lac, tu ressens les premiers symptômes. Et tu mets les pieds dans l'eau, noyé seul dans ton citron. Vous êtes toujours sur le 100 FM Radioactive Lost in Space. À l'instant, nous avons écouté La Femme Ypsoline que vous avez dû voir vraisemblablement hier, peut-être si vous vous êtes rendu au Zénith à Toulon, qui était accompagné en première partie de nos petits chouchous à la radio, qui s'appelle Potochkine. Donc spéciale dédicace à Potochkine. On continue en musique toujours, et encore une fois en polar, avec de nouveaux extraits du tout dernier roman de James Ellroy qui s'appelle Perfidia, pour entrecouper la sélection musicale qui continue, et qui continue avec qui ? Avec Euter. Thank you. Dépêche, les civils fuient Manille, la capitale des Philippines. Dépêche, le président Franklin Déloyal Rosenfeld a envoyé un message personnel à l'empereur Jap. Ce message est à la fois une requête et un avertissement. Renoncez à vos agressions ou vous courez le risque d'une intervention américaine de grande envergure. Whispered something in your ear, it was a perverted thing to say. But I said it anyway. Made you smile and look away. Nothing's gonna hurt you, babe. As you're with me, you'll be just fine. Nothing's gonna hurt you, baby. Nothing's gonna take you. Dance in my living room. To silly 90s R&B. When we have a drink of three. Always end in a hazy show scene. Nothing's gonna hurt you, baby. As long as you're with me, you'll be just fine. Take you from my side. L'oncle Sam commence à s'énerver. C'est à nous qu'appartiennent les îles Hawaï et l'accès au continent américain par le Pacifique. Les luxuriants atolls tropicaux qui mènent tout droit à nos côtes sont à présent dans le collimateur des Japs. Cette guerre que nous ne méritons pas, que rien ne justifie et dont nous ne voulons pas, se dirige droit sur nous, qu'on le veuille ou non. Voilà, c'est fini, comme on dit dans la chanson Lost in Space pour ce dimanche soir. On est déjà lundi depuis quelques temps. On vient d'écouter à l'instant RTC qui nous chantait Ships A Going Down, sorti sur les cassettes Underground Productions dont je vous ai parlé plusieurs fois, que l'on retrouve sur le Bandcamp Underground Productions. Donc c'est undergroundproduction.bandcamp.com. C'est donc la fin de Lost in Space. Ça fait presque 4 heures qu'on est ensemble. Ça fait un petit bout de temps donc. J'espère que vous êtes toujours aussi nombreux au début qu'à la fin. C'est vraisemblablement pas le cas parce qu'il y a des gens qui doivent se coucher pour aller au travail le lendemain. Et à tous ceux qui n'ont pas été se coucher, je leur souhaite une bonne nuit. Et je vous dis à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, à dimanche prochain. Allez, ciao.